Nous sommes mercredi le 1er juin 2022. Bonjour amis auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de cette édition, la toute première de la mi-journée de ce mois en cours. En voici les titres. Des dizaines de demandeurs de documents de voyage se remarquent au commissariat général de migration. Ces demandeurs déplorent le temps qu'ils passent à ce commissariat sans être servis. Cela étant, le commissaire général reconnaît qu'il n'y a aucun problème de production. Des habitants des collines Kabere et Chamugani de la commune Ngozi commencent à déterrer les vaches mortes suite à la fièvre de la vallée du Rift. Des experts en santé animale trouvent qu'il faut que ces bêtes soient brûlées avant d'être enterrées. Et la chronique sur les messages de ce mercredi vous parlera du favoritisme qui pourrait créer des frustrations au sein du groupe. Voilà pour l'essentiel. Nelly Kuihangana est à la manette du son. Moïse Misago suit à la présentation. Bienvenue. Je vous le disais tantôt, des longues files d'attente s'observent toujours devant les bureaux du commissariat général des migrations. Les demandeurs des documents de voyage se lamentent toujours qu'ils peuvent passer plus de 2 jours sans qu'ils soient servis, malgré les promesses faites dernièrement par les responsables de cette institution. Bien que ceux se rencontrer sur les lieux n'aient pas voulu s'exprimer sur nos micros, ils ont indiqué que même ceux qui viennent récupérer leur passeport peuvent regagner leur domicile sans avoir la réponse après toute la journée d'attente, ce qui engendre des fois des mésententes entre les policiers et la population. Et sur ce, le commissariat général des migrations informe pourtant qu'il n'y a aucun problème dans la production des documents de voyage jusqu'à présent. La seule difficulté qu'évoque le responsable de cette institution est que les effectifs des demandeurs ne cessent de s'accroître alors qu'ils ont limité à 300 par jour. Le commissaire général Maurice Mbonima explique que c'est pour qu'ils puissent récupérer leur passeport après 3 jours comme prévu. Suivez-le. Nous n'avons pas de problème au niveau de l'émission de passeport, puisque les passeports et les récépassés sont disponibles à tout le monde. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de demandeurs de ces documents et qui dépassent notre capacité d'accueil. Au niveau des nouveaux demandeurs de passeport, nous accueillons entre 50 et 300 personnes. Nous ne pouvons pas dépasser cela par jour. Constituer ce dossier, ça prend un peu de temps. Donc, c'est-à-dire que quand il remplit le formulaire avec tous les documents exigés, si son dossier est complet, après 2 ou 3 jours, il a son passeport. Maintenant, ce que nous allons encore faire, nous allons distribuer les formulaires à tous ceux qui vont venir, mais tout en les plaçant jour par jour. C'est-à-dire que ceux qui vont déposer demain matin, les premiers seront servis à partir de demain et les autres le jour suivant. Le commissaire général de migration, Maurice Mbonima, sera l'invité à la fin de ce journal. Et plus de 3 tonnes de sucre ont été saisies le week-end dernier dans différents quartiers de la ville d'Urumonge. C'était au cours d'une fouille perquisition opérée par la police en collaboration avec l'administration, selon le gouverneur de la province d'Urumonge. Dans l'optique de lutter contre la fraude, le consolateur Nitunga appelle la population d'Urumonge à rester vigilante et à dénoncer toute fraude constatée et demande aux commerçants de sucre de cesser le commerce frauduleux. Suivez-les, ces propos ont été recueillis par Jean-Pierre Misago. Tout ce que je dois vous dire, c'est que même à l'heure actuelle, nous continuons et nous demandons à la population de nous communiquer toujours sur certaines irrégularités qui se déroulent autour de nous. On a saisi alors ces 65 sacs. Actuellement, ils sont stockés au commissariat de police de Rumonge. On va bientôt prendre une décision de la vente. Le coût qui va être généré par cette vente sera mis au trésor public. Tout en vous disant que parmi ces 65 sacs, il y a 20 sacs qui étaient destinés aux différentes communes. Aussi, nous demandons à ces grossistes de ne plus le faire. Une fois commis une telle faute encore, ils seront rayés sur la liste des grossistes bénéficiaires du sucre à l'assassinat. Quelle est votre réaction par rapport à ces lamentations selon lesquelles les grossistes sont devenus des détaillants? Ces lamentations, ce que je dois vous dire ici par rapport à ces grossistes qui quelquefois font le travail de détaillants, c'est que D'abord, dans la première phase, on le faisait. Les détaillants, c'était eux qui étaient destinés à faire ce travail. Mais actuellement, on fait le mélange parce que on a vu que ce que les grossistes font, les détaillants, eux aussi, ils le font parce que des fois, on entend des échos que un kilo de sucre arrive à 7000 francs chez les détaillants. Donc, on a pris les mesures. Il y a eu beaucoup de réunions de sensibilisation de la part de ces grossistes pour que le respect des prix du sucre soit observé sur tout le territoire de la province du monde. Poursuivons cette édition. Le gouvernement burundais devrait faire des efforts pour que la population expropriée continue à se développer. Les récents tarifs des indemnités sortis par le gouvernement sont proches au prix sur le marché, constat Didouin de l'Institut d'administration et de cartographie foncière ce mardi lors d'un atelier sur le développement économique et la gouvernance des expropriations foncières au Burundi en collaboration avec l'ASBL Djami. Emery Nukuri, docteur en droit foncier et doyen de cet institut, invite le gouvernement à mettre à jour cette tarification des indemnités tous les 5 ans. Suivez-le. Nous avons toujours dit qu'il était nécessaire d'actualiser l'ordonnance ministérielle de 2008 sur les tarifs d'indemnisation pour l'écriture et les constructions, mais aussi pour les terres. Cette ordonnance a été dépassée avec des tarifs très bas qui sont inférieurs au coût du marché. Nous félicitons l'État d'avoir pu actualiser ces tarifs. Ce sont des tarifs maintenant qui sont vraiment proches de la valeur du marché. Mais aussi il faut rappeler que ce sont des tarifs minimales et que vraiment l'État devra faire des efforts pour que la population expropriée puisse avoir une superficie équivalente, pourquoi pas une autre terre équivalente ou de même qualité. Mais ici quand même, l'État devra faire des efforts pour que même l'exproprié continue à se développer économiquement. Ce sont de bons tarifs et en tant que chercheur, et ici, nous pouvons dire que quand même, c'est une bonne ordonnance et porte aussi certaines avances. Parce qu'avant, on pouvait vous exproprier, garder le titre de propriété parce qu'on ne vous a pas encore donné l'indemnisation. Il n'était pas prévu qu'on doit borner à enregistrer la terre, mais maintenant c'est très important. L'ordonnance lui-même prévoit que, en cas d'expropriation, la personne doit présenter son titre pour recevoir l'indemnisation. Et s'il présente son titre sera annulé, remplacé par un titre honoré. Ça permettra d'éviter la double indemnisation, comme je l'ai dit. Ça permettra aussi de faire la mutation. L'État va avoir la terre après avoir payé l'indemnité. Mais ici encore, dans les 5 ans, il faudra encore penser à actualiser parce que les conditions auront changé. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h05, poursuivons cette édition. 25 personnes habitant la ville de Kayanza, en majorité veilleurs de nuit, ont passé la nuit entre les mains de la police judiciaire de cette province pour des raisons d'enquête sur le vol des fils électriques sur des poteaux, ce qui a causé la coupure électrique dans certains quartiers. Des activités génératrices de revenus nécessitant du courant électrique sont par conséquent paralysées. La population de cette ville recommande qu'elle soit réalimentée en électricité. Au niveau de la régie des eaux Antenne Kayanza, l'on tranquillise que cette question va être résolue ce mercredi. Gilbert Nyandu, administrateur de la commune Kayanza, appelle la population à bien veiller sur la sécurité des équipements électriques de la régie des eaux. De Kayanza, rendons-nous à Ngozi où certains experts en santé animale demandent aux autorités du ministère en charge de l'élevage de brûler les vaches mortes suite à la fièvre de la vallée du Rift avant leur enterrement. Propos tenus après le constat de certains qui les déterrent et les consomment malgré le risque de détérioration de leur santé. Certains de ces derniers se lamentent comme quoi ils sont tabassés ou taxés d'amende une fois attrapés, n'est-ce pas Apollinaire Muzagar? Même si les responsables sanitaires conseillent la non-consommation de la viande d'une bête tuée par la maladie de la vallée du Rift qui emporte bon nombre de cheptels bovins ces jours-ci en Ngozi, il y en a qui osent les consommer même après l'exhumation. C'est le cas de Corinne Kavere et Chamugani de la commune Ngozi et celui de Moumb. Ceux qui ont été attrapés à Kavere ont dû payer une amende de 20 à 30 000 francs et ceux de Moumba sérieusement tabassés comme ils le disent. certains spécialistes en santé animale conseillent de brûler toute bête tuée par cette maladie avant son enterrement, en vue d'empêcher à ces derniers de les déterrer, comme ça protéger leur santé. Ces vétérinaires le disent au moment où les vaches ne cessent de mourir en Gauze. C'est le cas des collines Nyarunana et Burengo, où trois vaches sont mortes ce lundi, victimes toujours de cette maladie. Les éleveurs d'Ngozi demandent aux autorités habilitées plus d'efforts pour vacciner le cheptel non encore apte. Dans le sens de la prévention, le gouverneur de la province Ngozi, dans une déclaration sortie ce mardi, indique que l'interdiction de tout marché et mouvement de bétail reste en vigueur dans cette province jusqu'à nouvel ordre. Emmanuel Nationsanze appelle la police et l'administration à la base d'œuvrer pour le respect de cette mesure. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Sanganil. Donc aussi Cap sur Kirundo, où plus de 240 moustiquaires, 120 filets maillants et 3 gros filets ont été brûlés l'après-midi de ce mardi dans la commune de Bugabira, province Kirundo. Nous sommes au nord du pays. Ces équipements illégaux ont été saisis depuis le mois de février et étaient utilisés dans le lac Tchohoha. L'administrateur de cette commune, Eric Twizerimana, demande aux pêcheurs d'utiliser les filets remplissant les normes. Le point avec Abraham Safari. Ces filets qui ont été mis au feu ce mardi dans l'après-midi sont faits de 242 moustiquaires, 120 filets maillants et 3 gros filets, tous utilisés dans la pêche dans le lac Tchohoha sur la partie située en commune de Bugabira. L'administrateur de cette commune où cette destruction a eu lieu signale que ces filets ont été saisis dans l'intervalle du mois de février jusqu'au mois de mai de cette année. Les utilisateurs de ces filets sont sanctionnés par une amende allant de 5 000 à 20 000 francs, mais ils privilégient la sensibilisation à l'avantage d'utilisation des filets remplissant les normes pour ne pas détruire l'environnement aquatique. Eric Twizerimana, administrateur de la commune de Bugabira, fait savoir que l'utilisation des moustiquaires constitue un crime contre ces animaux aquatiques, surtout qu'ils raflent de petits poissons ainsi que des œufs. Pour ces filets maillants, a-t-il continué, ils sont imprégnés des produits qui tuent les poissons, soit petits ou grands. Cet administratif ainsi que le responsable de l'association des pêcheurs au niveau provincial disent toutefois que la quantité des poissons a sensiblement augmenté depuis qu'ils ont commencé la campagne de chasser de tels filets dans le lac. Cela se concrétise par la taille considérable des poissons pêchés dans ce lac. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Plus de 250 réfugiés burundais qui vivaient au camp de Mulongwe en République démocratique du Congo ont été rapatriés ce mercredi. Cette opération de rapatriement a été facilitée par le Haut Commissariat pour les réfugiés ACR en collaboration avec la Commission congolaise chargée du rapatriement, Jérémy Kouhima. Partie du camp de Mulongwe, 31 mai 2022, ces demandeurs d'asile ont été embarqués dans le respect des droits humains et des normes hygiéniques. Mardi 31 mai, un nombre d'une trentaine d'autres demandeurs hébergés au camp de transit de Kavimvira ont menacé de se rendre à leurs propres frais au Burundi pour protester contre l'arrestation de l'un d'entre eux par la police nationale congolaise. Interrogé, un agent de la Commission nationale pour les réfugiés CNR, qui a requis l'anonymat, explique que cette personne arrêtée, c'est puisqu'elle aurait agressé une gardienne du camp aux heures tardives après s'être retournée ivre. Rappelez-vous encore que la semaine dernière, un autre rapatriement de 71 personnes a eu lieu et la CNR promet de le faire désormais chaque mercredi. Depuis Uvira, Jérémy Kouhima pour Radio-Télévision Isanganiro. Merci Jérémy Kouhima. Et la collaboration des habitants et animateurs collinaires et la stratégie qui a guidé la colline Gahaga de la commune Bukeye en province Muramvya dans la lutte contre les violences sexuelles. Certains des habitants de cette colline disent que seule la diminution des procès en rapport avec les violences dans les instances judiciaires de cette commune explique la réussite. Désiré Ndouimana, secrétaire exécutif permanent de la commune Bukeye, salue les sensibilisations du centre Seruka qui ont fait que les habitants soient prêts à dénoncer les auteurs des viols. Le point avec Omer Ndouaï. Le travail en équipe des habitants à l'appui du centre Seruka prenant en charge les victimes des viols a fait que la colline Gahaga s'écarte de ces violences. Vangina Majuvenal représente le groupement Serukanhiwi Kumire. Auparavant, des cas de violence basés sur le genre étaient nombreux ici chez nous. Les adolescents étaient les plus exposés. C'est en 2014 que nous avons mis en place un groupement communautaire luttant contre les violences sexuelles. Nous avons même mis en place un règlement d'ordre intérieur régissant ce groupement pour débuter. Ce groupement était constitué de différentes personnes, les victimes y compris. Le centre Serouka nous a assuré le suivi en nous offrant des formations. Ces derniers jours, les violences sexuelles ont été maîtrisées sur notre colline. Parmi les raisons qui ont poussé la colline Gahaga à être parmi les meilleures figure la diminution des cas de violences sexuelles. Sophie Ndaïsaba habite sur cette colline. L'analyse a montré que les procès de violences sexuelles ont diminué dans les instances judiciaires au niveau de notre commune. C'est ainsi qu'on a constaté que les cas de ces violences ne sont plus criants. Les années passées, on parlait de beaucoup de cas non dénoncés sur notre colline, mais la mise en place de plusieurs groupements communautaires permet de maîtriser la situation. En commune de Bukeye, on a déjà 13 groupements communautaires. Désiré Nduwimana, secrétaire exécutif permanent de la commune de Bukeye, lui estime que les sensibilisations du centre Serouka à l'endroit des habitants de cette colline ont favorisé la réussite, car les habitants ont osé dénoncer les auteurs. Pour arriver sur ces résultats, les agents de santé communautaire, puis par la commune et le centre Serouka, qui ont sensibilisé la population pour lutter contre les violences sexuelles. Nous savons que dans la communauté, il y avait des gens qui tentent toujours de cacher les auteurs, contrairement à ces habitants d'Ogaraga qui ont osé de les dénoncer pour les traduire en justice. C'est sur base des cas dénoncés que c'était colline est en avance. Le concours organisé par l'organisation Cœur place la colline Gahaga dans la deuxième position des collines qui ont maîtrisé les violences sexuelles, derrière la colline Vumbido Kirundo, la première. Parle, rassure-moi. Le favoritisme et le traitement inégal de groupes de gens en famille, en milieu du travail ou au niveau national en accordant des avantages à certains. Professeur Nicolas Hadjayandi, politologue, fait remarquer que ce traitement crée des frustrations entre ces groupes, surtout chez ceux traités injustement, d'où la prolifération des messages haineux et quelquefois des tueries, comme le précise ce politologue Ornella Mucho. Le favoritisme, c'est le fait d'accorder injustement des avantages par faveur et non selon la compétence ou le mérite à des membres d'un groupe d'origine ethnique ou religieuse commun. Le professeur d'université en sciences politiques, Nicolas Hadjayandi, précise que c'est généralement fait par un supérieur, une personne ayant une autorité ou encore par un gouvernement. Le favoritisme crée des conflits suite au traitement inégal ou aux mesures jugées discriminatoires. Des fois, le favoritisme est pratiqué parce que il y a une suffisance des ressources matérielles et ceux qui sont chargés de répartir entre les différentes catégories de personnes le font en privilégiant certaines personnes et en oubliant bien d'autres. Ils développent des ressentiments, des rancœurs. Ils sentent qu'ils sont exclus, qu'ils ne bénéficient pas de la même manière que les autres, qu'ils ne profitent pas des conditions, on va dire, d'existence. Ce sentiment de frustration pousse à l'utilisation des messages haineux. Le favoritisme peut entraîner, être source de messages de haine, dans la mesure où le favoritisme divise, dans la mesure où il polarise en fait les personnes. Il y en a qui se sentent favorisés, alors que d'autres sont défavorisés. Alors là, ça crée des divisions et ces divisions peuvent entraîner des messages, des discours, des propos haineux à l'endroit effectivement de ceux qui pratiquent ce favoritisme et aussi à l'endroit de bénéficier de ce favoritisme. À côté des messages haineux, ça peut même provoquer des théories entre individus. professeur Nicolas Adjayandi trouve qu'il est donc primordial d'établir des règles claires pour tous les membres. Dans le cas contraire, le favoritisme peut compromettre l'efficacité et l'efficience de la prestation du service public et affaiblir la confiance des citoyens ou membres. À la source, interview. C'est le moment de l'invité du journal. Le commissaire général des migrations, Maurice Mbonima, explique l'augmentation des demandeurs de documents de voyage, même s'il précise que le commissariat général ne connaît aucun problème de production. Il s'entretient avec Francine Diokougaï. Maurice Mbonima, vous êtes le commissaire général des migrations. Bonjour. Bonjour. Dernièrement, vous aviez annoncé qu'il n'y aura plus de problème dans l'octroi des documents de voyage, mais vu le nombre de demandeurs présents devant vos bureaux, on dirait que la situation reste la même. Comme nous l'avons promis, nous pouvons affirmer qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de problème au niveau de l'émission de passeports, puisque les passeports et les récépassés sont disponibles actuellement. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de demandeurs de ces documents et qui dépassent notre capacité d'accueil. Au niveau des nouveaux demandeurs de passeports, nous accueillons entre 250 et 300 personnes. Nous ne pouvons pas dépasser cela par jour. Constituer ce dossier, ça prend un peu de temps. Donc, c'est-à-dire que quand il remplit le formulaire avec tous les documents exigés, si son dossier est complet, après deux ou trois jours, il a son passeport. Comment se fait-il qu'il y ait des gens qui attendent plus de deux jours pour avoir le formulaire à compléter? Oui, donc comme je viens de le dire, nous accueillons 200 à 300 personnes par jour. Maintenant, ce que nous allons encore faire, nous allons distribuer les formulaires à tous ceux qui vont venir, mais tout en les plaçant jour par jour. C'est-à-dire que ceux qui vont déposer demain matin, les premiers seront servis à partir de demain et les autres le jour suivant. Est-ce que vous avez aussi des effectifs que vous ne devez pas dépasser pour les retraits, puisqu'il y a toujours des gens avec leur reçu qui ne peuvent même pas accéder à l'intérieur? Non, actuellement, ceux qui viennent pour le retrait de leur passeport ont sensiblement diminué. Nous estimons que ceux qui viennent pour le retrait des documents de voyage sont tous servis sans problème. Nombreux, ce sont ceux qui viennent avec les récits qui ne les appartiennent pas. Donc ce sont des gens qui viennent pour chercher le passeport des autres. Et on ne les accepte pas. Voilà. Donc comme on l'a dit et on le répète encore, chacun doit venir récupérer son document de voyage. Donc vous continuez à affirmer qu'il n'y a pas de problème au niveau du commissariat général des migrations? Non. Au niveau du commissariat général, madame, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous avons des passeports suffisants. Nous avons des laissez-passer suffisants. Nous avons des machines. Le seul problème, c'est son nombre de demandeurs. Maurice Mbonima, commissaire général des migrations, je vous remercie. Je vous remercie, madame. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à bon port. C'est par ici que s'achève cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Nelly Kuhangana pour la mise en onde. Le programme continue sur Isanganiro. Au revoir.